Bienvenue à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. À la fin de l'année 2016, certains journaux qualifiaient l'année 2016 comme la pire année de tous les temps. Peut-être était-ce le cas politiquement, mais sous l'angle de l'astronomie, 2016 a été un assez bon millésime. L'année 2016 a foisonné de découvertes et d'événements parsemés tout au long de l'année. Alors, en compagnie de Jean-René Roy, astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval, nous allons faire une revue des principaux événements qui ont marqué l'astrophysique en 2016. Alors, bonjour Jean-René Roy et bonne année. Bonne fin d'après-midi, François, et bonne année 2017. Oui, alors une bonne année astronomique. Il y a 100 ans, décédait Percival Lowell, l'astronome qui avait prédit l'existence d'une planète inconnue au-delà de Neptune. On se rappelle qu'il y a eu la découverte de Pluton, mais ce n'était pas la planète qu'on recherchait. Pluton était plutôt une planète naine. Alors, en janvier 2016, c'est des astronomes de Caltech ont dit détenir de fortes présomptions selon lesquelles il existerait une neuvième planète au-delà de Neptune, ayant une taille 4 fois supérieure à celle de la Terre. Alors, qu'en est-il de cette hypothèse et sur quoi les astronomes se basent-ils pour l'affirmer, Jean-Pierre? Revenons à M. Lowell, de réputation plutôt malfamé pour ses observations des canaux et des vergers qui poussaient sur Mars. C'est intéressant parce que Lowell avait présumé l'existence d'une planète plus lointaine par des supposées perturbations sur l'orbite de Neptune. Qu'on avait observé. Pensé avoir observé. Ah bon, okay. Et maintenant, on voit que, d'ailleurs, perturbations, il y en a toujours. Elles sont relativement faibles et elles peuvent être expliquées en tenant compte de la masse ou de l'attraction des autres grosses planètes comme Saturne et Jupiter. Mais tout de même, l'intérêt est toujours demeuré et surtout quand on a découvert Pluton quelques années plus tard, et en particulier quand on a découvert la ceinture de Kuiper, qui est un grand regroupement de petits objets qui sont au-delà de l'orbite de Neptune. Un peu l'équivalent de la grande ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, okay, qui est d'objets plutôt rocheux. La ceinture dite de Kuiper, du nom de Gerard Kuiper, l'astronome qui les a présumés, et dont on a découvert les premiers objets que dans les années 90, maintenant on en connaît des milliers, on laissait entendre en fait qu'il y avait une source d'objets de la même nature, c'est-à-dire des objets qui sont plutôt glacés, donc faits de glace, que rocheux, faits de roches et métaux. Et on a, dans les années 2000, d'ailleurs, certains objets ont été découverts à l'Observatoire de Gemini par des chercheurs qui travaillaient avec moi, et on a découvert des objets pratiquement de la grosseur de Neptune, qu'on appelle les transneptuniens, qui font partie de cette grande famille, finalement, d'objets de Kuiper, mais ils sont beaucoup plus gros. Et ces quelques objets qu'on a identifiés, les plus gros comme Pluton, on en connaît à peu près plus d'une demi-douzaine, on s'est rendu compte que leur orbite avait une configuration spéciale. Elles étaient très elliptiques, elles sont très elliptiques, très allongées, mais leur élongation et leur orientation est comme toutes dans la même moitié du ciel. Ah, OK. Donc, on présume, c'est l'hypothèse de ces chercheurs, que ce n'est peut-être pas au hasard. OK. Et ils ont fait des calculs numériques très avancés, très poussés, avec les meilleures techniques possibles, pour savoir comment on pouvait, sans le hasard, créer cette configuration où un peu toutes ces orbites sont toutes orientées dans le même sens. En fait, c'est comme si vous voyez des arbres où les branches vont tous dans le même sens. Uh-huh. C'est-à-dire, le vent vient toujours de la même direction. Ici, on parle pas de vent, mais plutôt d'un équilibre qui serait établi par la présence d'un corps beaucoup plus massif qui serait à l'opposé en position de la direction d'élongation de ces orbites. Et à l'heure actuelle, on cherche toujours cette fameuse planète. Il s'agit de photographier la plus grande surface du ciel possible et à des profondeurs très poussées Parce que l'objet, même s'il serait de la taille de Neptune, il est très loin. Donc, invisible à l'œil nu de la Terre. Ah oui, il est invisible à l'œil nu de la Terre. Et on le recherche d'ailleurs avec des caméras plutôt sensibles dans l'infrarouge, où on a plus de chances de détecter, d'observer l'objet. Donc, c'est à suivre. Ce sera peut-être une des confirmations qu'on verra cette année. Mais on n'a aucune preuve que cette planète existe à l'heure actuelle. OK. Donc, la chasse aux planètes est encore ouverte. Elle est encore ouverte pour ajouter dans notre... Si jamais on en trouvait... on confirmait l'hypothèse des deux astronomes, ce serait quelque chose d'assez important. Effectivement. Absolument, oui. Effectivement. On va changer de sujet maintenant. Le 14 septembre 2015, des scientifiques du LIGO avaient observé pour la première fois le passage d'ondes gravitationnelles sur la Terre. On se rappelle que ces ondes avaient été produites par la fusion de deux trous noirs situés à 1,3 milliard d'années-lumière et que le phénomène avait été observé 100 ans après la publication de la théorie générale de la relativité d'Einstein, qui avait prédit leur existence. Alors, en 2016, il y aurait eu d'autres observations qui ont été faites, oui, Jean-René? Oui, en fait, l'observation, comme tu le mentionnes, a été faite au mois de septembre 2015, mais la publication n'a été faite qu'en février. 2016, et, oui, c'est oui, parce ça. Que on voulait l'équipe a vérifier, fait oui. des tests, des simulations en nombre quasi infini pour éliminer toute possibilité que le signal détecté par les deux observatoires LIGO, qui sont des systèmes extrêmement sensibles à toute contraction, élongation de l'espace, et il fallait être très sensible. Il fallait être sûr que c'était pas causé par hasard par des signaux qui auraient fait exactement le même signal dans deux observatoires situés à 2000 km de distance l'un de l'autre. Et qui ont quoi, 4 km de long chacun? Ce sont des interféromètres dont on mesure la longueur, en fait, ou la distance entre les miroirs suspendus dans l'espace de ces interféromètres avec une très grande précision. Et, en fait, le signal était spectaculaire. En fait, personne ne s'y attendait à ce que ce soit un signal aussi important. Mais, en effet, il y a eu un autre événement, un peu moins fort, parce qu'il était dû à la fusion de trous noirs à peu près à la même distance, mais de masse à peu près de la moitié du premier événement. Donc, l'amplitude des ondes gravitationnelles était moins grande. Était beaucoup moins grande. Le signal n'était pas aussi évident. Il fallait faire des techniques d'analyse beaucoup plus poussées. Et il y a un autre événement qui est marginal et qu'on ne compte pas vraiment, qui a aussi été enregistré. Donc, on pourrait dire qu'il y a deux événements et demi qui ont été enregistrés. Donc, on peut s'attendre dans cette année, 2017, à observer d'autres événements, parce que on a observé, parce qu'il faut avoir les deux interféromètres. S'il y en avait qu'un, on verrait le signal, les gens disent, ça peut être source qu'on ne comprend pas trop, mais il faut absolument que le signal soit mesuré identique par les deux interféromètres et qu'il y ait même une petite différence de temps entre les autres qui est due au fait que la vitesse de la lumière va faire en sorte que le signal arrive à une des observatoires avant l'autre. Exactement. Donc, il y a eu reprise de l'observation parce que ce sont des machines extrêmement complexes. On est encore en train d'améliorer. Donc, il y a reprise d'observation. Je pense que ça avait lieu au mois de décembre. Donc, on a reprise d'observation et on s'attend à ce qu'il y ait d'autres événements d'observer. La sensibilité est un peu plus élevée que durant la première période d'observation qui avait duré 4 mois et pendant laquelle on a observé quand même 2 événements, ce qui est pratiquement un tous les 2 mois. Donc, là, on a une période d'observation qui va durer 6 mois. Donc, on peut s'attendre, on l'espère, qu'il y ait d'autres observations, non seulement de fusion de trous noirs, mais possiblement d'objets moins massifs, qu'on appelle les étoiles à neutrons, qui vont faire des ondes gravitationnelles moins intenses, des vagues moins grosses, mais ce genre d'événement devrait être plus fréquent. D'ailleurs, on s'attendait toujours à ce qu'on trouve des évidences, des signaux provenant de fusion d'étoiles à neutrons, de paires d'étoiles à neutrons qui sont beaucoup moins massives, sont le résultat d'implosions d'étoiles très massives, là, explosent en supernova. On s'attendait qu'elles soient plus nombreuses parce que plus l'étoile est massive, moins il y en a. Donc, il y a un jeu ici qu'on ne comprend pas encore tout à fait. Pourquoi on a été si chanceux à détecter dans les deux premiers événements d'ondes gravitationnelles deux paires d'étoiles, pas d'étoiles à neutrons, mais de trous noirs, plutôt, donc plus massifs, d'objets plus massifs. Et est-ce que l'amplitude de ces ondes gravitationnelles, en fait, diminue au fur et à mesure qu'elle progresse dans l'univers? Oui, elle diminue, mais d'une façon curieuse. Toutes les ondes qu'on connaît diminuent comme au carré de la distance. Les ondes gravitationnelles ont quelque chose de bizarre, comme d'autres choses sont bizarres dans la relativité générale. Elles diminuent comme la distance directe, et non pas comme le carré. Okay. Donc, en quelque sorte, c'est-à-dire que la vague, entre guillemets, propage ses effets beaucoup plus loin. C'est ça, effectivement. On va maintenant passer dans un autre sujet. En mai 2016, grâce au télescope Kepler, le catalogue des exoplanètes a augmenté d'un seul coup avec l'inscription de 1284 nouvelles exoplanètes. Le catalogue en compterait maintenant jusqu'à 2000, et j'imagine que ce n'est qu'un début. Alors, Jean-René, pourquoi les astronomes en ont cherché pendant des décennies, et ils ne trouvaient rien? Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que maintenant, on les détecte facilement et en aussi grand nombre? Oui, deux choses. D'abord, des gens ont essayé pendant plusieurs années, des décennies, pendant le 20e siècle. Et en fait, les techniques qui étaient utilisées étaient les bonnes, sauf que la sensibilité n'était pas suffisant. On avait besoin de plus grands télescopes, on avait besoin de systèmes d'analyse plus précis, mais on était juste à la marge de détection. Okay. Donc, on était à fleur de l'eau. Et tout d'un coup, en fait, et les techniques de détection de planètes sont différentes. En fait, on pourrait faire toute une émission là-dessus, parce qu'il y a à peu près 3 ou 4 grandes techniques. Kepler est une technique relativement simple. On observe un très grand nombre d'étoiles et on attend de voir quelles sont ces étoiles qui vont avoir une petite baisse dans leur intensité lumineuse. Okay, je comprends. De l'ordre d'une fraction de pourcent. Ça veut dire qu'il y a un as qui passe. Il y a un as qui passe devant. Donc, pour que ça donne que l'astre passe devant l'étoile, il faut que l'inclinaison de son plan orbital soit dans la ligne de visée. Ça fait dans le bon angle. Donc, statistiquement, si on regarde un très grand nombre d'étoiles, on va le voir. Donc, Kepler s'est mis à regarder un champ dans la constellation du Cygne pendant des années. Et toujours prendre le même champ avec des photos. Et on sait quel type de signature va faire, c'est-à-dire comment l'intensité lumineuse va varier si un corps comme la Terre, comme Jupiter, passe devant son étoile. Donc, sauf que des petits détails. Donc, à l'heure actuelle, si vous lisez bien le texte, on va dire que ce sont plutôt des candidats planètes. Donc, on a vu cette signature, mais il y a d'autres fluctuations lumineuses dans l'étoile qui peuvent produire des effets semblables, comme des taches solaire. Oui, comme il existe sur le Soleil. Oui. Donc, et aussi des fluctuations lumineuses curieuses qui peuvent produire des effets de dip dans la courbe lumineuse comme telle. Mais je suis certain que dans les 2000, la très grande majorité sont dues au passage d'un objet qui est probablement une planète qui tourne autour de cette étoile. OK. Et dans ce catalogue, qu'est-ce qu'on y consigne? Est-ce qu'on consigne des données sur la taille? On consigne les périodes, généralement, parce qu'on peut voir, on sait qu'il faut que ce soit se répète. C'est une autre chose qu'il faut pour que l'objet rentre. Donc, on va dire de combien de fois. D'ailleurs, si vous allez sur Internet, je l'ai pas fait récemment, il y a 2 ou 3 catalogues qui compilent toutes les exoplanètes candidats qu'on croit avoir détecté jusqu'ici, et on donne différents paramètres. Généralement, on peut aller assez loin, comme la grosseur de la planète, qu'on peut déterminer en regardant l'importance de l'affaissement en luminosité de l'étoile. Il est toujours, plus la planète va être grosse, plus l'affaissement qu'on va voir va être grand, mais c'est jamais très grand parce que le diamètre de la planète reste tout petit. On parle toujours d'une fraction de pourcent de l'affaissement lumineux, de la brillance de l'étoile qu'on observe. évidemment, on ne sait pas non plus si ces planètes-là supportent la vie ou pas. Alors, en fait, on n'a aucune idée. On peut faire quelques hypothèses connaissant la grosseur de la planète, comme je le disais tantôt, par l'importance de l'affaissement lumineux temporaire qui se produit. Et on peut déterminer aussi par la fréquence ou la durée du passage de la planète devant son étoile, mmh. On peut déterminer à quelle distance elle est de l'étoile. Donc, elle est proche. Et une des grandes surprises en recherche d'exoplanètes, c'est qu'un grand nombre de planètes, plus petites ou grandes, petites comme la Terre, grandes comme Jupiter, sont souvent très proches de leur étoile. Et ça, on n'aurait jamais prédit ce genre de configuration planétaire basée sur notre seul système solaire, où d'ailleurs on place les grosses planètes à l'extérieur, les petites proches. Et là, on observe à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Okay. Et surtout, le plus intriguant, ce sont de très grosses planètes proches de leur étoile. Parlant d'exoplanètes, le 24 août 2016, à Garching, près de Munich en Allemagne, des astronomes annoncent une découverte extraordinaire. Ils ont trouvé une exoplanète qui gravite autour de l'étoile Proxima du Centaure, qui est l'étoile la plus proche de notre système solaire. Pourtant, les astronomes l'observaient depuis 16 ans. Qu'est-ce qui a fait que ça a pris autant de temps? C'est bon ça. Donc, c'est pas à Garching qu'on l'a observé, là. C'est le centre, les quartiers généraux de l'Observatoire européen de l'hémisphère sud. C'est à Garching, un endroit que je connais bien, que je visite fréquemment. Et leurs télescopes sont situés au Chili. Donc, c'est un exemple, ça, de difficultés, de défis qu'on a à observer des planètes. D'ailleurs, cette planète, elle est petite, elle est autour d'une étoile aussi petite. Une étoile qui est 10% de l'étoile elle-même, 10% de la masse du Soleil. Donc, c'est une petite étoile rouge, on va l'appeler une naine rouge, en effet. Donc, qu'est-ce qui se passe là? C'est une autre technique qui est différente de celle qu'on parlait plus tôt avec Kepler, de la technique d'éclipse ou de transit devant la planète. Ici, ce qu'on regarde, c'est ce qu'on appelle le mouvement réflexe. Donc, la planète tourne autour de l'étoile, mais l'étoile et la planète s'attirent l'une et l'autre. Donc, par gravitation de M. Newton. Donc, quand le système de l'étoile est alignée telle que la planète est entre nous et l'étoile, la planète, la toute petite planète, va tirer un peu sur l'étoile. Donc, l'étoile va paraître venir vers nous. Okay. Et quand la planète va être de l'autre côté, c'est que l'étoile est entre nous. Elle va être tirée de l'autre côté. Donc, si vous analysez l'étoile et regardez sa vitesse au cours du temps, vous allez voir que de temps en temps, elle vient vers vous, tranquillement, ralentit, repart, s'en va dans l'autre sens et revient. Et on peut faire ça maintenant avec une très grande précision. Une précision telle qu'on va mesurer le déplacement de l'étoile à une vitesse possible de 1 demi-mètre à la seconde. Oh là là! C'est votre vitesse de marche. Donc, on ne parle pas de milliers de kilomètres par seconde et de comme tel. Non, on parle d'une fraction de mètre par seconde. Mais pour faire cette détection, il faut observer très, très longtemps, des années, pour cumuler le signal, pour qu'on revoie ce signal-là sur plusieurs périodes, en effet, et on fait comme une sommation qui augmente ce qu'on appelle le signal surbris, et d'un coup, on dit « on l'a ». C'est pour ça qu'après 16 ans, dans ce cas-ci, on s'est dit « ça y est, c'est trop périodique ». On l'a. Donc, probablement aussi ce qu'on fait, et ça se fait cette technique-là sur un grand nombre d'étoiles, c'est que plus ça va, plus on a d'observations cumulées, enregistrées. D'ailleurs, l'ESO a un télescope de 3,60 mètres d'ouverture avec un spectrographe qui est dédié totalement, complètement à des programmes de recherche d'exoplanètes par l'étude de ces mouvements va-et-vient de l'étoile. Donc, non seulement Kepler, qui va avoir un successeur lancé en 2017, qui s'appelle TESS, et Les observations au sol vont aussi continuer à révéler d'autres exoplanètes. En général, de grosses planètes, si on observe des étoiles comme le Soleil ou plus grosses, mais on peut trouver des plus petites planètes si on observe des plus petites étoiles. Uh-huh. Parce que là, la masse est plus faible. Donc, on va voir que ça tire effectivement. Et que dans un sens et dans l'autre. D'accord. Donc, très intéressant. On va passer maintenant à un autre sujet, Juno. En fait, en 2011, la NASA a envoyé une sonde spatiale appelée Juno autour de Jupiter pour collecter des données sur les couches internes de la planète, sur la composition de son atmosphère et les caractéristiques de sa magnétosphère. Alors, tout cela dans le but de reconstituer la manière dont Jupiter s'est formé. Or, la mise en orbite de Juno autour de Jupiter a eu lieu le 5 juillet 2016. Et est-ce que tout s'est passé comme prévu lors de la mise en orbite, Jean-René? Il y a eu des problèmes mécaniques. Il y a des problèmes, mais en fait, la station, la sonde fonctionne très bien. Uh-huh. Donc, ce qu'on prévoyait, c'est que on allait rétrécir l'orbite pour rapprocher Juno de plus en plus de Jupiter. Jupiter. Je pense même la faire rentrer dans l'atmosphère éventuellement. Bon, okay. Comme Cassini, la sonde qui est autour de Saturne depuis plusieurs années, va rentrer dans l'atmosphère cette année. Donc, Juno a un problème technique. J'ignore s'il est corrigible et si on va réussir à faire descendre Juno. Ce serait important quand même pour compléter le programme scientifique que la sonde se rapproche des couches supérieures atmosphériques de Jupiter. Donc là, présentement, elle tourne dans une orbite assez loin. Loin, absolument. Okay. Ouais. Puis on voudrait la faire. En fait, il y avait vraiment cet objectif de deux semaines de rapprocher. Ouais, puis jusqu'à être toujours très pour proche. Faire des meilleures observations, absolument, ou des mesures. Et aussi de sonder. Il y a toute la question de champ magnétique qu'on veut sonder, et aussi prendre comme on le fait avec Rosetta autour de la comète Churyumov-Gerasimenko. Oui, on fait des observations à distance, on voit tout, puis on fait des observations jusqu'à très très proche, jusqu'au moment où on a fait atterrir Rosetta sur la comète l'année dernière. Oui, il paraît que les photos ont été vraiment extraordinaires. Ah oui, ben, si vous regardez encore, allez voir le site de Rosetta, faites ESA. ESA, European Space Agency, Rosetta, et vous allez voir des images là à vous gaver pour plusieurs heures. Jean-René, on avait d'autres nouvelles, mais écoutez, je voudrais peut-être prendre les 2-3 minutes qui nous restent pour parler de qu'est-ce qui va se passer en 2017. Ouais. Qu'est-ce qu'on va suivre du en 2017? Point de vue, première chose, quelque chose de simple, je ne sais pas si le ciel est beau ce soir. De ce temps-ci, vous voyez un objet très brillant juste après le soleil. C'est Vénus. Admirez Vénus. Et quand il n'y a pas trop de lumière, en s'éloignant de Québec, on peut voir Mars aussi. Et le matin, en fait, pour les maniaques, là, juste avant le lever du soleil, Mercure est aussi visible. Ah oui, Mercure le matin? Donc, on commence 2017 et Jupiter aussi est très visible. Uh-huh. Donc, on commence sur un bon pied en regardant le ciel. Donc, cette année, on laissait entendre tantôt, du point de vue astronomique, il y a toujours des imprévus, mais ce qu'on va entendre parler, c'est très probablement d'autres détections d'ondes gravitationnelles. Ce qu'on va peut-être entendre parler d'un type d'événement qu'on sait exister depuis plusieurs années, mais dont on a identifié la source, qu'on appelle en anglais « fast radio burst ». Okay. Ce sont des sursauts radio extrêmement intenses, parce qu'on sait maintenant qu'ils viennent de très, très loin, de distances dont on parlait tantôt, de milliards d'années-lumière, mais on se gratte la tête pour les comprendre, pour essayer de savoir quelle en est la source. Donc, aucune idée. Ouais. Donc, on m'entend parler de ça. L'autre chose qu'on m'entend parler, et c'est suite un petit peu à des grandes déceptions qu'on a eues en 2016, c'est la matière sombre. Oui, oui. Qu'est-ce qui constitue la matière sombre? Donc, il y a eu des expériences, il y en a encore qui roulent. Une qui s'appelle LUX, qui cherchait à détecter des particules possibles qui constitueraient la matière sombre. Des particules qui seraient d'une autre famille que les baryons qui nous constituent protons et électrons. Qu'on suspecte et qui produirait des événements qu'on connaîtrait. Et l'autre déception en parallèle, c'est que le grand collisionneur de Hadron, du CERN, de Genève, cherchait, par ses déploiements d'énergie colossale en faisant collisionner ensemble des faisceaux de protons à très, très grandes énergies, on parle de, je sais pas, de giga-électron-volts maintenant, 13 ou quelque chose comme ça, avec une très grande intensité, on s'attendait à mettre en évidence, comme on a mis en évidence notre fameux boson de Higgs, on a mis en évidence des particules qui appartiendraient à cette fameuse famille de cousins de nos baryons, de la matière qui nous fait, qui seraient des constituants possibles de la matière sombre. Donc, 2016, grande déception, aucun signal, aucune lettre à la poste nous venant de la matière sombre. Donc, cette année à suivre, il y aura peut-être de bonnes surprises. Et sur le plan spatial, surveiller, les Chinois vont être en action. Bon. Alors, sur la Lune. Alors, on va être à l'affût. Merci beaucoup, Jean-René Roy, pour cette revue des principaux événements qui ont marqué l'astrophysique en 2016. Je rappelle que vous êtes astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Alors, on va faire une pause publicitaire et on vous revient avec Ève Baudin de l'agence Science Presse, qui est détectrice de rumeurs. À tout de suite.